Alors, on va vous poser la première question Oui, c'est par ça. rapport au premier jour de la Révolution. Oui. Est-ce que la CNT et la FAI le savaient? Et depuis quand? Eh bien, la CNT et la FAI les savaient, et les savaient tout le monde. Et c'est nous, cependant, qui avons fait les dénonciations publiques à partir du mois de février de 1936, c'est-à-dire après les élections qui ont donné des triomphes aux gauches. Nous avons dit, les élections, les gauches les ont gagnées, mais le fascisme se prépare. On savait qu'il y avait des jeunes des phalanges qui allaient en Italie faire des pratiques militaires. On savait même que José Antonio Primo de Rivera touchait une sorte de salaire de... On a trouvé maintenant, même après la défaite du fascisme, on a trouvé les reçus des sommes qu'on lui donnait. On lui a loué 50 000 pesetas chaque mois pour travailler l'organisation fasciste en Espagne. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui flottait dans l'ambiance. Et c'est nous qui nous avons commencé à les dénoncer dans des meetings, des manifestes, qu'on a posé les problèmes à l'UGT, aux autres forces. Le congrès de Saragossa de mai 1936 a voté une proposition d'alliance révolutionnaire avec l'UGT, la formation d'un front antifasciste. On a dit qu'il fallait se préparer, qu'il ne fallait pas confier seulement avec le gouvernement pour faire face à la situation qui, comme vous voyez, se détériorait chaque jour. C'est-à-dire que si quelqu'un était en alerte et n'a pas épargné des efforts pour convaincre tout le monde qu'il fallait prendre des décisions, qu'il fallait se préparer, ce sont précisément la CNT et la FAI. Et depuis le mois de février, alors c'était. Depuis le mois de février.